Yes. Ça va toujours un peu naze, mais ça va. Pas là pour longtemps quand je bosse demain. Tôt, le matin. Mais on va kicker ça un peu quand même. On va kicker ça un peu quand même. Si j'avais du temps à perdre, tu sais même pas que j'ai un truc important à faire. Trouver un endroit où t'es pas là à me pomper l'air. Faut que j'aille au frigo chercher une canette. Faut que je trouve un bédo. D'ailleurs, en parlant de ça, t'as pas un pet. Vas-y, et pas n'importe où. Ce soir, c'est la fête. Mais ne me parle pas trop, s'il te plaît. Tu me prends la tête, moi. Je vais aller bouger les bras, brûler le gras. Moi, j'aille sur de la fin, coup de bibarbe loula. Donc bouge de là, bout de VK. Moi, je ne risque pas. Non, je ne suis pas bout de flic. Je suis qu'un type normal, il paraît. Et j'ai la saveur. Mais je viens d'ailleurs, je dis que ça, tu le sais. Demande à ta sœur, je suis qu'un type normal, c'est vrai. Mais le meilleur. Je frappe pas mes caresses. c'est concret. Un jour des démons viendront me tenter. Je ne sais de plus qu'on padre à l'âge est entré. Un jour mes démons viendront me tenter. Pour m'assurer d'être le dindon de la force parachutée ou du côté obscur de la force à cause de la part. Raffine, j'ai vécu des trucs pas paranormaux. La paranoïa dans mon cerveau. Et je n'ai plus peur de la mort. Je l'ai dompté. Et compter les secondes à l'approche du sort. La vie c'est fort, mais y'a rien de l'autre côté. Soit tu payes cash, c'est pour blinder. Soit t'as un peu d'argent, t'inquiète, on va te prêter. Soit t'es à sec, et là fais gaffe à l'argent. Fais gaffe à l'argent, si t'es à sec, tu peux te gratter. Si on ne prête pas, tu vas te braquer. Si on ne prête pas, on sait, tu vas braquer. Dans tous les cas, tu vas craquer. Donc je vais si t'es à sec, dans tous les cas, tu peux te gratter. De tabac, il faut la quantité pour que ça frappe comme une enclume. Donc s'il te plaît, et donc un peu plus de volume. Et fais oh yeah, quand j'ai le micro en main, je veux t'entendre crier et te voir danser comme un gamin. J'amasse les rimes, forcer les pages du cahier. Pourtant c'est de l'argent, un jour ça va payer. On en veut tous plus, c'est la nature humaine. Chacun son thème, plus d'amour, plus de haine. Y'en a qui veulent plus de billets, n'auront que plus de problèmes. Si tu attends plus de respect de ma part, pas de peine, car je lâche rien. Et j'en veux plus que toi. C'est un chien plutôt que de lâcher mon petit doigt, car tu me feras mon bras. Les êtres humains sont comme ça, le monde peut être grave d'un joint. Quand on est fini, tout fait mon doigt. Mm-hmm.

cage, l'aurait déjà clashé. Pour vivre heureux, pas le choix. Faut vivre caché, arracher le bonheur. Flatter comme un arraché, se battre quand même. Pour finir mâché. La loi du marché voudrait que je fasse du cachet, que je marche droit. Mais moi, je crois que je préfère pas marcher. Je préfère même pas m'arracher. Juste des fois, c'est le changement de quand je me fais chier. Thank you. Thank you.